Cependant, une question restait encore à décider. Il fallait choisir un endroit favorable à l'expérience. Il n'y avait que les portions du Texas et de la Floride qui furent dans les conditions de latitude recommandées par l'Observatoire du Cambridge. Aussi la décision à peine connue, les députés texiens et floridiens arrivèrent à Baltimore par le plus court. Le président Barbicane ne savait où donner de la tête. Les notes, les documents, les lettres grosses de menaces pleuvaient dans sa maison. Quel parti devait-il prendre? Or, cette hésitation, cet embarras, durait déjà depuis longtemps, quand Barbicane refut résolu d'en sortir. Il réunit ses collègues, et la solution qu'il leur proposa fut profondément sage, comme on va le voir. En considérant bien, dit-il, ce qui vient de se passer entre la Floride et le Texas, il est évident que les mêmes difficultés se reproduiront entre les villes de l'État favorisé. Or, le Texas possède 11 villes dans les conditions voulues, tandis que la Floride n'en a qu'une. Va donc pour la Floride et pour Tampa Town.